bien sûr. Mais là, où le cours de sa vie commence à va devenir problématique. Parce que le réel va commencer à mettre en péril son idéal, et donc elle. Comment se termine cette déchéance? Qu'est-ce qui est la marque finale de cette déchéance? Elle perd tout. C'est-à-dire? Elle perd tout, elle peut perdre... Elle perd ses biens. Elle perd ses biens. Ce qu'on peut montrer, c'est qu'elle perd tout, elle peut perdre son mari et son amant, par exemple. Mais ce qu'il faut essayer de montrer, c'est que finalement, la perte de son mari et son amant ne sont rien à côté d'une saisie d'huissier. Ce n'est rien par rapport à une saisie d'huissier. Pourquoi? Parce que finalement, son ancrage dans l'existence, est sa projection dans les biens de consommation. Que les pertes de son mari et de son amant viennent se surajouter et font partie de la déchéance finalement, de sa propre déchéance, mais ne sont pas de faits capitaux. À partir de cette idée, alors, comment tu vois l'histoire qui peut conduire à une saisie d'huissier? Un endettement massif. Oui, mais, d'accord, et ça c'est très très général, mais commencez à imaginer une histoire, concrètement, qui amène les huissiers. qu'est-ce qui, dans ce cas-là, va faire qu'elle va se trouver avec des lycées qui vont tout lui saisir? Qu'est-ce qu'elle va faire qu'elle n'aurait absolument pas dû faire? Qui va lui être fatal? Moi j'en sais rien, j'ai jamais rien acheté à crédit, donc je ne sais pas ce qui peut être une. Est-ce que c'est une multitude de petits achats ou un gros achat? Non, il faut penser à un gros achat, Catherine. Bon ben pense-le. Mais non. Mais je pense-le, je pose la question. Ah, t'énerves, pourquoi tu t'énerves? C'est juste enfin, essayer d'inventer une histoire concrète. T'as vite sorti des généralités maintenant. Tu peux aussi. Si je te pose la question, c'est que j'ai rien à te proposer, alors voilà. Oh. Qu'est-ce que tu es susceptible et agressif, c'est incroyable. Je suis pas susceptible, allez-y, Franck. Mais si. Tu me poses la question comme si tu cherchais pas. Arrête de penser ce que je pense, je ne pense pas, et pense-toi de ton côté. Une résidence secondaire. Ah, sachez une résidence secondaire. D'accord, résidence principale. Non, mais non, parce que c'est pas possible, c'est lâcher son résidence principale, elle achète avec son mari. Non, ce qu'elle peut vouloir acheter, c'est un petit appartement. Elle n'est jamais qu'institutrice, cette brave dame, elle ne fait pas partie de la haute, quoi. Oui, elle achète un petit appartement, pourquoi? Où? Je sais pas, ils habitent tous ces gens. Mais on peut considérer déjà qu'ils ont pris un crédit pour l'appartement principal qu'ils ont acheté. Mmh. Donc tu penses que c'est une résidence secondaire? Mmh. C'est sa maison, c'est pas leur maison. Si, c'est leur maison. C'est leur maison, mais c'est elle qui prend le crédit à son nom. Parce que c'est son idée. Que le mari n'est pas très chaud. Mais bon, elle veut une maison au soleil. Avec piscine. Quoi? Non? Bon, ça te plaît pas. Faut le dire, t'as le droit de le dire. Non, mais je sais pas, Franck, arrête. Mais t'as l'air bien énervé. Non, je suis pas énervé. Si. Dis rien. Mais en fait, ça me semble pas tellement correspondre au personnage que vous voyez. Ah bon, bah vas-y, dis, je t'attends, ça fait 3 heures que je te demande ce que tu vois et tu te tais. Ce que je cherchais. Bon bah alors vas-y. Moi je la voyais plus acheter un petit appartement. Pour une... voilà. Acheter un appartement, pourquoi? Pourquoi faire un appartement? Ça peut avoir, parce qu'il y a déjà un appartement avec la femme avec son mari. Elle va acheter cet appartement pour quoi faire? Bah pour le louer, pour avoir une rente supplémentaire. C'est pas belle, c'est comme idée. Ah oui. Et elle n'arrive pas à louer. Par exemple, elle n'arrive pas à louer. En fait, je voyais quelque chose, tu sais, qui était plus. Qui était presque. Qui n'aurait pas été su par le mari. Tu sais, avec l'idée, mais ce petit appartement, quand je serai vieille, on ne sait jamais, si une lourde. Enfin, il y a aussi une pensée comme ça. Ça me semblait que pour ce type de femme, il n'y avait pas une perception de la vie à deux, de toute façon. Donc c'était un peu égoïste. Hein. Enfin, un peu égoïste. Pas la question de l'idée. Donc investissement. Pour augmenter son capital. Investissement et pas de locataire. Hein? Oui, c'est bien ça. C'est mieux. En plus, ça peut utiliser l'appartement au début avec l'amant. Oui, par exemple. Et puis un petit truc à son image. Donc, tu sais qu'elle va vouloir meubler. Ah non, attention, parce que si elle veut le louer, il ne faut pas qu'il soit trop meublé. Mais par exemple, elle peut pouvoir le louer meublé à des riches. À des riches étrangers, peut-être qu'il y aurait un certain standing aussi. Oui, pourquoi pas. Un plan fric. Et plan fric, il se termine en plan galère. Ouais, ce serait bête, ça. Ouais, c'est bien, c'est mieux. Bon, poursuit. Donc ça et l'instrument de ses chutes. La raison pour. imaginez se faire payer cet appartement, cet appartement par la location. Au mari. Comme elle ne peut plus payer non seulement l'appartement et les frais inhérents, mais aussi les autres crédits, son mari se désolidarise d'elle. On peut rompre un mariage pour un traitement abusif d'un des conjoints? Surtout, on peut s'être marié sur le régime de la séparation des biens, se casser et l'autre, effectivement. Donc, ils vont divorcer. Oui, je pense qu'ils vont divorcer, en tout cas il va se casser, je pense qu'ils vont divorcer. Si, ben, justement, parce que sinon il faut désolidariser des dettes de sa femme. Ça dépend pas de ton contrat de mariage. Ça dépend des dettes. Après, il faut avoir un peu d'imagination, hein. Je pense que... Non, mais il faut créer des situations conflictuelles et dramatiques, Catherine. Enfin, des situations de drame. Donc, à un moment, il faut avoir un peu d'imagination. Donc, il se désolidarise d'elle. Pour endettement abusif, massif et divorce. Ben oui. Mais parce qu'en fait, ça va créer. Parce que qui a le crédit de l'appartement principal? Lui. C'est lui, c'est normal que ce soit lui. Parce que c'est chef de famille, il a eu plus d'argent, donc c'est normal que ce soit une famille. Ah, si j'avais une situation, c'est un peu parti des crédits, hein, elle avait l'appartement, le travail de la voiture. Elle est devant la voiture. Cela dit, faut pas perdre de vue que ces gens, ils consomment pour soi, hein, aussi. Hein. Donc, si c'est la voiture du gars, peut-être que le gars n'a pas envie que ce soit sa femme qui a le crédit. Oh ben, elle a sa voiture et lui, il a sa voiture. Ouais. Ces gens, ils pensent toujours qu'ils vont se séparer quand même. Mmh. Donc, Elle a sa voiture. Et quel autre crédit a-t-elle à avoir sur les bras? Mais elle peut avoir tout l'ameublement. Hein. Ameublement. Genre cuisine aménagée. La chambre à coucher, le salon. Ce qui fait pas mal, hein. Ils se partagent les factures. Et elle, à un moment, ne paye plus ses factures. Ne paye plus pas de factures. Ah oui, elle lui tourne le courriel. Comme les courriers arrivent et qu'elle veut cacher la situation à son mari, elle l'a grand souci de prendre le courrier avant lui. Donc, insérer plusieurs fois les manœuvres qu'elle fait pour qu'il ne prenne pas le courrier. Jusqu'au vol de sa clé de boîte. Elle va lui voler sa clé. Non. C'est rêve et illusion, et lui rappelle l'anarchie du monde. Non ? Oui. Ah, si ça t'intéresse pas ce que je dis, tu me le dis. Si, si, c'est très bien. Oui, enfin, je voulais juste te dire que finalement, ce qui est frappant chez les instituteurs, c'est qu'effectivement, ils ont toujours une manière de voir les individus parler avec des gens, notamment, et de les mettre systématiquement dans la peau du bon ou du mauvais élève. C'est récurrent, ma chaîne rencontre d'un site qui ne faisait pas ça. Et prof d'ailleurs. Il y a ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est comment ne pas se donner. Et alors, quand il y a eu quoi? Non, non, non, non, non, non, mais histoire de le voir en bon et en mauvais élève, ça veut dire quoi? Ça veut encore dire que ça, c'est l'exposition de l'idée que j'avais précédemment, hein, qui est que tout ce qui n'est pas tout ce qui est dit et qui n'est pas rattachable à la vérité qu'elle-même aurait pu énoncer, finalement, est un élément perturbateur qui doit être exclu. Il y a aussi la croyance de savoir toujours plus que les autres, et ainsi de suite. Finalement, les instituteurs sont, à un certain moment de leur vie, tout à fait inadaptés au monde adulte. Ils ne supportent plus la confrontation. Enfin, ils ne supportent plus la confrontation. Au monde adulte, au monde réel, tu veux dire? Oui, au monde adulte. Enfin, oui, au monde réel, au monde réel. Je ne supporte pas qu'il y ait quelqu'un qui leur dit ce n'est pas ça. Ils ne le supportent pas, les enfants qui catégorisent, qui les appellent mauvais élèves, hein. Pas seulement schématisme. Ils ne supportent pas les adultes qui ne sont pas d'accord avec eux. Conséquences dans le comportement. Hystérie. Non? Non, hystérie, passion, incohérence, plus des mouvements d'humeur puérile, du type la personne n'est pas d'accord avec moi, je transforme ce que je viens de dire. Pour faire changer la conversation, du type Brigitte Bardot est une conne, oui, mais d'accord, mais moi, elle me fait pitié. Mais bon, c'était pas le sujet. Et elle n'est pas heureuse. Et après, on ramène la chose à soi. Et moi, je préfère être moi qu'elle. Ça. Et l'argent ne fait pas le bonheur. Ça fait rire. C'est bien résumé, non? Oui, c'est bien. Moi, je crois qu'un livre, ça doit être féroce. Tu sais. Je crois que les livres qui ont vraiment du succès, c'est les livres qui profondément sont féroces. Sans concession. Un livre où il n'y a pas de haine, mais la haine n'est pas forcément exprimée directement. Mais il faut que ce soit féroce envers quelqu'un. Envers soi. Envers les autres, envers soi, mais il faut que ce soit ou bien liégeois. C'est pas envers soi. Ou Carolingien. Carolo. Ou bruxellois. Mais il faut que ce soit haineux. Et si je te touche les seins, ça marche, on n'a pas une forme. Bon. Si tu veux continuer à parler, parle. Parce que moi, je vais faire pipi. Ben non, je veux rien dire, c'était pas là. Ah si, tu peux continuer à parler, réfléchis. C'est des idées qui viennent, on a l'impression qu'on va revoir notre élément, après, vas-y, continue. Réfléchis, encore, dis. conçu sur la psychologie classique. Mais, sur la psychologie de cet institut en particulier aussi. Moi alors, à quoi ressemble pas quoi elle ressemble. Bah, il faut qu'elle soit belle. Enfin, je sais pas. C'est important qu'elle soit belle, oui. Hein. Bah, faut qu'elle soit. En fait, c'est pas qu'elle soit belle. Mais faut qu'elle approche. Faut qu'elle approche de l'idéal social de la beauté. Bon, alors elle est mince. Oui, mais elle est mince. Mais l'idéal, il faut qu'elle approche, c'est-à-dire au fond, il faut qu'elle ait, que ça soit presque ça. Tu sais, ces gens qui sont presque ça, ça pourrait être ça. Non. En fait, les docteurs, elle serait belle si. En fait, elle serait belle si elle n'était pas archi-commune. Il y avait ce petit quelque chose qui fait qu'à un moment, c'est pas comme les autres tout à fait. Oui. C'est-à-dire, c'est une beauté de conformité en extériorité à des critères. C'est-à-dire, comment tu la décris physiquement? Effectivement, mince. Mince. Mince, mais l'idéal, c'est pas la minceur, c'est le squelettique. Mince, mais pas anorexique. Bon, mais mince, mais pas squelettique, d'accord? Mais elle, elle cherche à devenir squelettique. Oui, oui. Mais j'ai bien compris beaucoup. Donc finalement, chez elle, j'ai une minceur qui tourne maladie. Ouais. La peau blanche, mais un peu grise. Bah, Toudou, tu fais ça ou tu vis ton menu? Mais je regardais, je suis devant quelque chose. Je suis devant ma deuxième collation. On peut s'en prendre. Et quoi, t'as le droit de collation toutes les heures? Je m'en vais très bien. Oui, elle est presque belle, parce que là, l'idéal de beauté qu'elle cherche à atteindre, c'est un idéal de beauté totalement artificiel. Elle ne peut pas avoir la couleur de peau des modèles de beauté qu'on présente, simplement parce que cette couleur de peau, on ne peut pas l'avoir naturellement. C'est une couleur de peau qui est travaillée par le maquillage, la photo. Et donc, elle en tire toujours une sorte de ressentiment, de blessure intérieure, parce que finalement, elle n'est pas critique vis-à-vis de ces images, et ne se rend pas compte que de toute manière, c'est des beautés, son idéal de beauté serait une beauté totalement statique, de magazine, qui ne correspond pas. Que personne ne peut avoir un avenir réel, qui ne correspond pas à quelqu'un qui a une vie active. Mais alors, elle dit ça encore sur le mode du ressentiment. De Buti, il y a encore quelque chose qui m'empêche d'être comme j'ai le droit d'être, comme je devrais l'être, comme en tant que telle personne, j'ai légitimement le droit d'aspirer être. Et ça, c'est la clé centrale du personnage. Je dirais à titre indicatif que c'est la clé du personnage. Cette pensée continuelle en toute chose, que de par sa situation, de par ce qu'elle est, tombée dans le saisou, elle a le droit à des choses, mais que quelque chose dans ce monde qui prend les multiples figures lui ôte son droit d'être pleinement conformément à ce qu'elle est. Pour moi, c'est le type précis de pensée fasciste. Non, pas fasciste, c'est idiot. Mais c'est le ressort profondément vécu de la xénophobie et du racisme. Mais aussi d'une vision totalement éparpillée, dispersée de la société. C'est le résultat ultime de la concurrence des travailleurs entre eux, imposée par le capitalisme, des gens qui sont toujours livrés à eux-mêmes, qui se sentent totalement isolés et qui voient toujours en l'autre celui qui les empêche d'atteindre les promesses ou qui empêche toujours, les autres empêchent toujours ce qu'il leur est promis, ce qui lui est promis, d'être réalisé. Par exemple, ce qui est promis est toujours divulgué par la publicité, par les magazines. C'est ça profondément. Au fond, elle aurait le droit à tout ça. Tout ce que la pub, les magazines, tout ce qu'on peut imaginer, par essence, elle y a le droit. Mais il y a toujours un grain de sel dans ce monde qui fait qu'elle ne peut pas atteindre, qu'elle ne peut pas posséder ces choses-là. C'est l'autre. Alors il y a toujours un autre qui fait chier. Toujours un autre qui fout un grain de sel dans ce putain de monde et qui l'empêche de tourner merveilleusement conformément à ses promesses. Mais ce grain de sel, c'est jamais les riches, c'est jamais les puissants, c'est toujours les pauvres. C'est toujours les pauvres qui font chier. Jamais les puissants. Les puissants, eux, s'évertuent les braves hommes, les femmes, à justement créer toutes ces choses, toutes ces richesses. C'est quand même grâce à eux qu'il y a toutes ces richesses. Et les pauvres, ils empêchent les braves femmes comme elles, qui ont une sorte de perfection de petites bourgeoises, entre parenthèses, parce qu'elle n'a pas sa conscience comme ça, mais qui s'évertuent à atteindre la perfection sociale, il y a toujours des cons qui viennent les faire chier, qui les empêchent de vivre. Et ça, ça ressort pour moi, effectivement, de la xénophobie. Parce qu'il ne faut pas grand-chose pour passer de cette vision-là de société avec xénophobie et racisme. Mais, d'une façon générale, à cette vision complètement délirante de l'individualisme, de l'individu totalement isolé dans la société, et qui a totalement perdu le lien communautaire. Le rôle du crédit, en tout cela, le rôle du crédit, il est de compenser la mauvaise volonté des hommes, la mauvaise volonté des autres, qui l'empêche de jouir de tous ses bienfaits. Alors, que font les puissants? Eh bien, pour récompenser les braves et honnêtes personnes qui légitimement peuvent aspirer à tous ces bienfaits, mais qui en sont empêchés par toutes les hommes de mauvaise volonté, alors c'est les braves et les puissants mettent à disposition de ces braves gens le crédit qui leur permet d'accéder en partie à ce à quoi ils ont droit. Qu'est-ce que t'en penses, pas Doudou? C'est pas un vrai personnage, ça. Non. On commence à avoir quelques ressorts. Non, what are you thinking about that? I think it's very good. Very good? Very good. Yeah. I'm in there. That's good. Ouais. Tu vois prolonger dans cette idée quelque chose? Non. Pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat, mais on va grossir ce personnage, on va nourrir ce personnage. Le genre de réflexion. Oui, puis aussi dans la relation qu'elle va avoir aux autres. Oui. Quand on va faire la description du mari et de l'amant, on va aussi mieux la comprendre. Moi, d'un point de vue formel, en fait, je vois la construction du livre un peu de la sorte. C'est-à-dire qu'on pourrait faire des découpages, chapitre, petit, sous-chapitre, etc. Ou finalement, on pourrait l'écrire sous forme de scénettes, de succession de scènes, où un peu toutes ces facettes ainsi mises en avant se dévoilent. En fait, il s'agirait d'écrire des livres où se succèdent des situations. Qu'est-ce que tu en penses? Sans lien forcément les unes avec les autres? Si, le lien c'est ce personnage. Au fond, ce que va dévoiler le livre, c'est ce personnage. Donc en fait, on peut tout à fait trouver la trame d'une histoire. C'est en quelque sorte la construction dramatique de l'histoire. Mais la construction dramatique de l'histoire sert de fil conducteur pour dévoiler des facettes du personnage ou pour révéler le personnage. Alors, là, évidemment, où ça pourrait paraître artificiel, c'est si, entre le déroulement dramatique de l'histoire et le dévoilement des facettes, il n'y a pas de connexion. Il faut qu'au fond, le déroulement dramatique de l'histoire soit tout simplement le déroulement dramatique des contradictions de cette pauvre femme.